France Culture, il est 16h. Tout de suite, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Sciences Publiques. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Sciences Publiques au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Quelle place accorder au sonore dans la protection de notre environnement ? Un rapport publié en décembre 2014 par l'Agence européenne de l'environnement estime que le bruit généré par le trafic routier serait responsable de 10 000 morts par an en Europe. L'agence précise que l'exposition au bruit de la circulation routière est la principale source de nuisances. Dans 90% des cas, elle serait responsable de troubles de santé, en particulier cardiovasculaires, liés au bruit, loin devant les aéroports, les usines et les ports. En Europe, pas moins de 125 millions de personnes seraient ainsi soumises à cette nuisance, soit un Européen sur quatre. Ces personnes seraient exposées à des niveaux sonores atteignant 55 décibels en moyenne et 20 millions de personnes déclarent être gênées par cet environnement qui provoque des troubles du sommeil chez 8 millions d'entre elles, sans parler de l'augmentation du stress et de l'anxiété. Ainsi, l'environnement sonore apparaît comme un facteur important de la qualité de notre vie quotidienne dans les villes. Or, il reste souvent peu ou mal pris en compte dans les projets d'urbanisme ou d'architecture, d'où l'initiative de l'association La Semaine du Son qui vient de présenter lundi 18 janvier 2016 une charte du sonore à l'UNESCO. L'occasion de tendre l'oreille pour nous interroger aujourd'hui sur le son, sur ses dangers lorsqu'il se transforme en nuisance, mais aussi sur ses qualités lorsqu'il est conçu pour améliorer notre bien-être. Car comme nous le verrons, le contraire de la nuisance sonore n'est pas du tout le silence. Pour débattre de ce qu'est ou de ce que peut être un son de qualité, de la même façon que l'on parle de la qualité de l'air ou de l'eau, nous recevons aujourd'hui dans Sciences Publiques, en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Théa Manoula, qui est enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble, chercheure au laboratoire Cresson de l'unité mixte de recherche du CNRS Ambiance, Architecture, Urbanité et cofondatrice de l'atelier de recherche Polytopie. Fanny Mitielkli est directrice de Bruit Parif, qui est un observatoire du bruit sous la forme d'une association créée par la région Île-de-France. Christian Hugonnet est président fondateur de l'association La Semaine du Son, dont la 13e édition se déroule en ce moment même à Paris, afin de prolonger qui se prolongera la semaine prochaine en province. Cécile Regnault est architecte, conceptrice d'environnement sonore et chercheur à Lyon Architecture Urbanisme Recherche, le laboratoire LOR à l'école d'architecture de Lyon. Je vous rappelle que vous pouvez, particulièrement pour cette émission dont le thème nous concerne tous, nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Sciences Publiques sur franceculture.fr. Christian Hugonnet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez présenté, en ouverture de la Semaine du Son 2016, lundi dernier à l'UNESCO, la charte de la Semaine du Son. De quoi s'agit-il et quel est l'objectif de cette charte ? Écoutez, c'est une soirée historique qui s'est déroulée ce lundi dernier, c'était lundi 18 janvier, soirée historique parce que nous avons, nous, Semaine du Son, qui nous battons pour le sonore et considérons le sonore comme une porte d'accès au monde, hein, tout simplement, nous avons donc pu déposer une charte selon 5 secteurs que nous défendons activement, donc l'un sur la santé, l'autre sur l'environnement sonore, le troisième sur l'enregistrement et la production du son, le quatrième sur la le rapport image et son, et cinquième sur l'expression musicale. Et bien évidemment, cette charte a été présentée à 195 délégations de manière tout à fait officielle, sous l'égide de la commission française de l'UNESCO, et ça a été une soirée tout à fait merveilleuse avec un millier de participants. Et je pense qu'à partir de là, nous allons pouvoir démarrer une vraie réflexion au sein de l'UNESCO sur ces problématiques majeures, en tout cas, dans la mesure où peut-être que pour la première fois, et certainement pour la première fois, l'UNESCO va s'emparer de cette problématique du sonore et va considérer que ce secteur est un secteur majeur de ses préoccupations. C'est une soirée, encore une fois, qui était tout à fait historique et menée tambour battant par nos amis Jean-Claude Casadesu, Jeanne Langlois-Glandier, entre toute une pléiade d'artistes qui sont venus proposer justement cette prise de conscience. Très bien, donc en fait, on va illustrer surtout l'un des points de cette charte, donc l'environnement sonore aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, nous avons lancé le deuxième thème qui est abordé, c'est celui de l'environnement sonore. Et en quelques mots, nous disions dans cette charte que l'environnement sonore était une composante essentielle de notre équilibre, car il conditionne notre comportement personnel et collectif, dit-on. Limiter les nuisances sonores, concevoir des atmosphères écoutées, maîtriser l'acoustique des espace, conforter la diversité des acteurs propres sont des conditions aujourd'hui de mieux vivre ensemble. Donc, partout dans le monde, la densification des milieux et l'intensification de l'urbanisation font de l'espace sonore un sujet de préoccupation des professionnels et des citoyens acteurs de la transformation de leur lieu de vie. Donc, on sent bien qu'il y a, à travers le débat que nous allons démarrer aujourd'hui, une prise de conscience très très forte de la relation entre l'environnement sonore et notre comportement. C'est cela dont nous allons parler. Fanny Mietiewski, bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez Bruit Paris, qui est donc une association, et dont le nom rappelle Air Paris, par exemple. En fait, oui, il y a une consonance assez proche, qui lui est le réseau de surveillance de la qualité de l'air à Paris. Quelle est la mission de Bruit Paris? Alors la mission de Bruit Paris, c'est de caractériser l'environnement sonore des Franciliens. Donc en effet, on a un nom qui rappelle celui d'Air Paris, puisque notre mission, tout comme Air Paris travaille sur la qualité de l'air, nous on travaille sur la qualité de l'environnement sonore. Donc la mission principale, c'est de documenter. Donc on place des capteurs de mesure du bruit dans toute l'île de France. On fait des campagnes de mesure aussi. On fait aussi des modélisations, des cartes de bruit. Tout ça pour permettre déjà à tout à chacun d'être informé sur son environnement sonore, de pouvoir quantifier à quel niveau il est exposé au cours de sa vie. Et puis également pour fournir des clés de compréhension aux acteurs locaux pour qu'ils puissent mettre en place des plans de prévention du bruit efficaces et voilà pour les concitoyens. Alors, vous avez fait une étude qui conduit à cette conclusion assez spectaculaire, qui est que 75 000 années de vie en bonne santé seraient perdues en Île-de-France, donc j'imagine chaque année, oui, à cause du bruit urbain. Oui, on essaye de quantifier en effet le désagrément en fait qui est lié à l'exposition au bruit. Quand on fait le cumul de toutes les manifestations du bruit, à savoir les troubles du sommeil, la gêne, les risques cardiovasculaires, les difficultés de concentration, on arrive à ce total de 75 000 années de vie gâchées du fait du bruit chaque année au sein de l'agglomération parisienne et rien que pour le bruit des transports. C'est-à-dire qu'on n'a pas quantifié les autres nuisances sonores et on sait qu'on a à peu près moitié de nuisances liées au transport. En premier lieu, le trafic routier, ensuite le trafic aérien et le trafic ferroviaire. Et puis pour l'autre moitié, tout ce qu'on appelle les nuisances sonores, les bruits de voisinage qui intègrent un grand nombre de bruits. Ça va des bruits de comportement, du bruit de son voisin, mais aussi des bruits des petites activités commerciales, industriel, donc ça revêt vraiment tout un domaine très large. Alors les maladies cardiovasculaires sont souvent citées, c'est pas forcément celles auxquelles on pense quand on s'intéresse au bruit ou quand on est confronté à cette nuisance. Alors le bruit, la pollution sonore, notamment les pics de bruit, hein, lorsqu'il y a une émergence de bruit, suscite une réaction du corps, c'est un stress, hein, c'est un facteur de stress, et donc sur le long terme, ça a des conséquences évidemment en matière de risque de développer de l'hypertension et donc d'avoir des maladies cardiovasculaires, et donc il y a un petit pourcentage de malchance, de probabilité supplémentaire liée au bruit, de faire par exemple un infarctus du myocarde. Très bien, on reviendra sur cette pollution particulière qui est celle de du trafic routier, puisqu'elle joue un rôle essentiel dans les villes en tout cas. Cécile Regnault, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes architecte et vous travaillez particulièrement sur les environnements sonores, vous êtes également enseignante. À quoi consiste le travail d'un architecte dans ce domaine de l'environnement sonore? Que peut-il faire et quelle est sa marge de manœuvre? Alors disons que l'architecte, enfin dans les écoles d'architecture, ça démarre par là. On approche cette question de l'environnement sonore à travers des notions plutôt d'ambiance. On va de manière assez large essayer de penser une unité. C'est l'atmosphère en fait dans laquelle tout un chacun est amené à se développer. Et justement, on parlait dans la charte de la question de l'équilibre. Et c'est bien cela qu'on cherche pour l'architecte. Il va chercher à faire en sorte que justement tout ce qu'il construit soit en connivence avec ce bien-être. Donc en tenant compte du lieu, de l'environnement naturel déjà et... Alors il y a plusieurs paramètres, parce qu'une ambiance, elle peut être définie par... évidemment, il y a le cadre physique, qui est le cadre architectural, la forme, les matériaux, qui ont une influence évidemment sur la manière dont le son sonne, ce qu'on appelle le cadre acoustique. Et ça c'est quelque chose qu'on peut prédire, prévoir, donc en fonction des la bonne nature de la façade, par exemple, le revêtement de sol dans une cour va avoir un impact certain sur la manière dont on parle de réverbération, de temps de réverbération qui peut se mesurer, et puis qui va donner une tonalité à cette cour, par exemple, d'immeuble, en fonction justement de la qualité des matériaux qu'on choisit. Et puis il y a une deuxième dimension qui est importante en architecture, c'est la dimension sociale, puisqu'en fait on construit bien pour que l'architecture soit habitée, et cette manière, enfin une ambiance elle est aussi effectivement une somme de gestes, de faits, de gens qui pratiquent le lieu et qui révèlent ses qualités, donc c'est ce mix en fait qui produit ce qu'on appelle nous l'ambiance sonore. Très bien. Théa Manola était également avec nous. Elle est enseignante à Grenoble, à l'École nationale supérieure d'architecture. Vous êtes également chercheur au laboratoire Cresson, qui est installé dans cette école, qui est spécialisé dans les ambiances architecturales et urbaines. Alors, quels sont vos principaux thèmes de recherche? Bonjour. De mon côté, je vais travailler plus sur la perception, sur le vécu sonore, notamment des habitants, donc habitants au sens large, pas seulement les riverains, mais les personnes qui vont avoir un rapport d'appropriation, un rapport affectif avec un espace donné, un rapport d'usage aussi, de voir comment ces personnes-là reçoivent, même si j'aime pas trop le terme de la réception, leur environnement sonore, les ambiances qu'on y trouve, les atmosphères, et surtout comment ils le construisent, parce que il a été dit au début que l'environnement sonore conditionne ce que nous sommes, notre vécu, mais au retour, nous le conditionnons aussi. Donc, en permanence, un va-et-vient. L'idée, c'est justement de travailler sur ce rapport-là, le rapport entre un homme avec un H majuscule, ou une femme, et son environnement sonore. Sachant que, sans doute, les réactions sont différentes suivant les personnes. Tout le monde ne réagit pas pareil, peut-être au même environnement sonore. Tout à fait, justement, c'est justement là l'enjeu, c'est que les réactions sont différentes à l'échelle certes individuelle, à l'échelle aussi des groupes, que ça soit des groupes sociaux, que ça soit en termes de culture, que ça soit en termes de vécu personnel. Et justement, c'est d'essayer de décortiquer, de comprendre tous ces mécanismes-là, d'essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'un vécu est ce qu'il est et pas un autre. Alors le vécu, par exemple, des Franciliens, c'est que 50% des habitants de grandes villes comme Paris subissent plus de 55 décibels en moyenne, ce qui est quelque chose, Christian Hugonnet, qui est important, même si cette fameuse échelle du décibel n'est pas la plus familière. Oui, la vraie problématique du niveau... C'est moins le niveau que le continuum sonore permanent, hein, qui est une espèce de linceul, je le dis souvent dans mes interventions. C'est un agglomérat de sons qui ne désemplissent jamais. C'est un continuum qui finit quelque part, et je le dis, par asphyxier, par étouffer l'homme. Et il y a une asphyxie à laquelle on assiste, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, et qui fait que précisément nous n'avons plus ces micro-silences, hein, qui nous paraissent fondamentaux. Et je dis bien micro-silence pour pas dire silence, hein, simplement des petits moments de respiration, hein, qui nous sont indispensables pour comprendre le monde. Hein. Si on n'a plus ça, eh bien on est étouffé, c'est comme si on avait la tête sous l'eau. Hein, et c'est un peu ce à quoi on assiste dans bien des cas en situation urbaine. Alors, ce linceul dont vous parlez, on est en train de l'écouter. C'est un enregistrement que nous a apporté Bruit Parif, qui a été réalisé par Bruit Parif, n'est-ce pas, Fanny Mitletti. C'est un enregistrement. Oui, ce sont des prises de son dans Paris. Donc, on a. Oui, on a essentiellement, en effet, l'omniprésence du bruit de la circulation qui vient masquer des tas de sonorités. Et puis, on a aussi des pics qui vont immerger, les klaxons, les sirènes. Là, on entend un crissement, un freinage. Des sonorités qui sont assez désagréables, souvent aiguës, qui surajoutent au bruit plutôt dans des fréquences graves de la circulation, mais qui remplit tout l'espace. Ce crissement-là des transports qui sont, ça peut être dans le RER ou dans le métro, sont effectivement particulièrement agressifs. Oui. Et on n'imagine pas comment ces bruits n'aient pas pu être supprimés au fil du temps, parce qu'ils sont très anciens et que les matériels ont évolué et on retrouve toujours ce genre de bruit. Oui. Alors, il y a eu des progrès, de fait, sur certaines lignes de métro, mais c'est vrai que, c'est notamment lorsqu'il y a des courbes, il y a encore des lignes aériennes de métro dans Paris où il y a des courbes et malgré les efforts de la RATP, il reste encore des phénomènes de crissement très aigus, très stridents, qui génèrent beaucoup de nuisances. Alors, pour revenir à ce niveau de 55 dB, Christian Hugonnet, à quoi correspond-il ? Une parole normalement émise se situe à peu près à 60-65 décibels. Donc ça veut dire que 55 dB, c'est un petit peu en dessous. Donc ça ne nous empêche pas de parler quand même. Où il y a problème, c'est quand les niveaux de bruit, notamment dans certaines villes, se situent au-delà des 55, donc à 60, 70, voire 80. Les Champs-Élysées sont aujourd'hui à 80 décibels. Un continuum sonore régulier. Et la plupart des grandes artères parisiennes sont à peu près à 75 décibels. Donc cela signifie qu'on ne peut plus discuter dans la ville, on ne peut plus se parler, on ne peut certainement plus avoir d'ailleurs de discussion amoureuse, vu que la gage amoureuse se situe à 60 décibels. Donc si on veut descendre le niveau et parler à quelqu'un avec des mots un petit peu doux, on ne peut plus le faire, il est clair, en situation urbaine, en tout cas en extérieur. Voilà. Voilà, le bruit donc de la vie à Paris s'est éteint et on voit la différence tout de suite par rapport à ce que nous entendions en arrière-plan de votre voix, Christian Hugonnet. Ça fait une grosse différence. C'est-à-dire que ce bruit de fond est quelque chose qui, même s'il ne masque pas la voix, agit sur la perception, sur les sensations que l'on peut avoir quand on vit dans une ville. Il agit sur notre comportement. D'abord, la première chose que l'on doit dire, c'est qu'il nous positionne dans notre langage. C'est-à-dire que si le bruit est là, on parle fort déjà. Donc, on va parler selon le niveau de bruit auquel on est soumis. Donc, dans la tranquillité, on va pouvoir avoir une discussion à 60 décibels, à des niveaux très faibles. Si on est dans la rue, on va parler très fort. D'où une fatigue, évidemment, très, très importante, on s'en doute bien, qui va nous suivre. Donc, cela signifie que le comportement de toute personne, effectivement, en fonction de cet environnement sonore, est déterminant. Va être déterminé précisément par cet environnement sonore. Donc, on est dépendant totalement de ce niveau sonore permanent dans lequel on est situé. Cécile Reynaud, ça veut dire que l'architecte, il est confronté à cet environnement. Il va falloir qu'il construise à l'intérieur même de ce bruit, puisque le pouvoir de l'architecte n'est pas assez grand pour pouvoir le supprimer immédiatement. Exactement, même s'il ne travaille pas seul, il y a des urbanistes, des paysagistes, mais effectivement l'architecte c'est son matériau, enfin c'est quelque part le matériau de base, sa brique de base, ça va être justement ce bruit de fond qui va être plus ou moins haut. Et ce que je trouve intéressant dans la remarque de Christian Hugonnet, c'est un des critères que l'architecte peut utiliser pour justement concevoir un lieu en bonne justesse avec les usages, par exemple pouvoir se reposer, lire dans un parc ou jouer, etc. Un des critères importants, c'est l'oralité, c'est la voix. Comment la voix peut se positionner dans cet environnement tel qu'on est en train de le construire. C'est-à-dire avec un niveau de bruit ambiant qui soit compatible avec la voix. Qu'est-ce que vous voulez dire par comment la voix va se situer? Elle va se situer à la fois. Il y aura effectivement ce niveau sonore. On peut s'en protéger avec des parois, des murs, toutes sortes de c'est des sortes de masques en fait. Et puis ensuite, effectivement, travailler sur l'acoustique en elle-même du volume et de l'espace dans lequel on est, qui va rendre plus ou moins cette voix présente en fonction de ce que l'on souhaite. France Culture, Sciences Publiques, Michel Alberganti. Nous débattons aujourd'hui la question « Quelle place accorder au sonore dans la protection de notre environnement ?» avec nos invités, Théa Manola, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble et chercheur au laboratoire Cresson, Fanny Mietletsky, directrice de Bruit Parif, Christian Hugonnet, président fondateur de l'association La Semaine du Son, et Cécile Regnault, architecte et conceptrice d'environnement sonore. Alors justement, Théa Manola, la difficulté, c'est peut-être que justement le bien-être sonore n'est pas le même pour tout le monde et que par rapport à cette volonté peut-être de s'isoler du son, la solution n'est pas forcément et peut-être jamais le silence. Justement, parce que je voulais réagir tout à l'heure, c'est intéressant l'évolution qu'on a dans les discours. En fait, l'idée, c'est pas de dire, enfin, je vais assumer une posture un peu provocatrice, que le son est mal, il y a quelque chose de mauvais, parce que ce n'est pas le cas. Les sons un peu gênants parfois dans le métro, c'est aussi des sons qui deviennent des sons identitaires. Je suis sûre qu'il y a des Parisiens qui sont tout à fait capables, avec des yeux fermés, d'identifier telle ou telle ligne de métro par ces sons. Comme on reconnaît le métro parisien quand on rentre à Paris après un voyage par son odeur ou par l'arrivée du RER. Moi, je sais que c'est des choses que personnellement me parlent, mais qui parlent aussi à d'autres personnes. Donc l'idée, c'est pas de dire que le son ou le bruit, comme il est dans ses aspects négatifs, est toujours quelque chose de mauvais et que sa réponse n'est pas forcément le silence. Cécile l'a dit très bien tout à l'heure, l'idée c'est de travailler sur un équilibre, sur c'est un travail fin hein, qui va correspondre à des usages ou pas, qui va correspondre à ce qu'on veut donner d'un point de vue esthétique, d'un point de vue de rapports sociaux. Donc non, le réponse c'est certainement pas le silence, même si du micro-silence en effet peut être nécessaire et intéressant, mais l'idée c'est pas d'éradiquer le son ou le bruit, ça serait vraiment dommage. D'autant, Cécile Regnault, que quand on isole peut-être trop un immeuble, un appartement à l'intérieur d'un immeuble, on se retrouve coupé de l'extérieur, mais en même temps en communication peut-être excessive avec ses voisins. C'est-à-dire qu'il y a aussi un rapport entre les différentes ambiances sonores et agressivité qu'elles peuvent avoir. Tout à fait. En fait, ça, c'est le pour l'architecte, c'est le travail de la peau en fait du bâtiment, la manière dont on pense cette porosité. Est-ce que, enfin, l'isolation à tout prix n'est pas une valeur sociale. Enfin, on peut pas prôner un isolement de son environnement parce que c'est pas vivable de ne pas savoir où on habite. C'est très important de pouvoir effectivement se situer par rapport à des horizons auditifs qu'on a dans sa fenêtre. Alors, c'est des fenêtres que j'appelle auditives. Et effectivement, si on isole trop l'appartement, la façade, eh ben on se retrouve dans la situation où il y a une survalorisation des bruits en intérieur et pour le coup peut-être plus difficile de supporter le voisin parce qu'on l'entend plus qu'auparavant. Voilà, donc il ne faut pas que ça soit qu'on tombe de caribansilla en fait en n'ayant plus le bruit de la voiture qui passe en bas mais en ayant un formidable aperçu de ce qui se passe dans l'appartement voisin, quoi, et ce qui peut devenir à la limite plus obsessionnel dans la mesure où c'est un bruit sur lequel on peut imaginer agir, hein, le voisin. Alors, c'est pas le cas avec le trafic routier directement. Cela veut dire que tout projet est un projet contextuel en fait. On peut pas donner des chiffres en disant il faut isoler. Alors on a des chiffres, des seuils hein, quand même. Ben c'est 40 ce qui est dB, très bien. Donc vous les contestez les 40 dB la nuit, c'est pas. Mais ça paraît pas. Mais ces seuils en fait, il faut pas les prendre pour argent comptant en fait. Ouais. Il faut les adapter et chaque projet d'architecture est une adaptation à un contexte. Et c'est bien cela qu'en fait qui enfin ça veut dire que il faut aussi être capable en tant qu'architecte d'avoir une oreille. Enfin, de poser son oreille sur un site, c'est comme l'architecte quand il arrive sur un terrain, il dessine. Mais il peut aussi écouter, voire enregistrer. Ça lui permet par la suite de pouvoir justement, en connaissance de cause, adapter cette porosité de la façade. Alors vous nous avez apporté des sons que vous avez enregistrés vous-même dans la région de Lyon, si j'ai bien compris. Alors ce sont des sons qui viennent de Haute-Provence. En fait, j'ai plusieurs terrains. C'est un son qui est un échantillon sonore. Moi, j'appelle ça comme ça. En fait, c'est comme si on faisait un carottage sur le territoire. qui nourrit ce que j'appelle les observatoires sonores des territoires. Et celui-ci, c'est l'observatoire de Haute-Provence, que nous avons démarré il y a déjà quelques années avec un anthropologue qui s'appelle Patrick Romieux, et que nous poursuivons. Donc ici, il s'agissait de réfléchir dans ce fragment sonore de la question de la lisière, puisqu'on est à Digne, on est dans une lisière de ville, une petite ville, entre la campagne et la ville, on entend la ville. Et on entend aussi d'autres choses, je ne vais pas dévoiler. On écoute juste quelques secondes. Donc là, on sursaute évidemment sur la sirène du train. Cette ambiance, elle est finalement quand même, avant même la sirène, chargée, Cécile Réunion. Elle est assez chargée, effectivement. On a une rumeur qui est tout l'indicateur qu'on est justement proche d'une ville, on n'est pas à la campagne, même si on a les oiseaux. Le coq, on ne l'a pas entendu, je crois, parce qu'il était un petit peu plus loin dans la bande, mais il y a des coqs, il y avait toute une vie, en fait. On est dans une zone, on va dire, pavillonnaire, avec quelques fermes, en fait, qui sont encore là. Et donc, tout un des sons de proximité, des sons de moyenne proximité qui vont justement positionner déjà la lisière de ville, et puis des sons un peu de lointain, puisqu'en fait, on est dans un paysage très, très ouvert, où on a des lointains qui, notamment ici, on a une sirène au loin qui rappelle effectivement cette lisière de ville. Théa Manola, c'est ce genre de... Comment vous réagissez à ce genre d'enregistrements qui sont là un peu en dehors de la ville, mais déjà très, très riches et très chargés de différents bruits? Alors je vais du coup rebondir un peu sur ce qui a été mentionné avant, sur la question du contexte. Alors certes, il y a un contexte physique, un contexte acoustique si on veut, mais il y a aussi un contexte social, voire sociopolitique. Le son est là parce que nous l'entendons, nous l'écoutons en fonction des situations. Donc pour moi, ces contextes, ces situations doivent aussi être regardés du côté justement de ceux qui les vivent au quotidien. Peut-être c'est ça ma réaction. Nous, on le trouve chargé, cet environnement sonore, en l'écoutant comme ça, avec de manière extraite par rapport à un terrain. Oui, parce qu'on l'écoute vraiment, alors que la plupart du temps, on l'entend, pas forcément en y faisant attention. En effet, ça peut être le cas, ou pas, par ailleurs, parce que je pense que la personne qui était sur site pour faire ce travail-là, elle a vraiment pris le temps d'une écoute approfondie même. Il y a certainement des gens qui vivent quotidiennement, qui prennent ce temps de l'écoute, même sans se rendre compte, de manière un peu, je sais pas, comme ça... En sortant le matin de sa maison, ou en rentrant le soir, ou peu importe. Donc la question derrière pour moi, c'est comment il est vécu au final, qu'est-ce que les gens en pensent, parce que ce contexte, ces situations, du coup moi je préfère un peu plus le terme de situation, comment elles sont appréhendées, comment elles sont vécues. Et bien justement, Cécile Réunion a posé la question à un habitant de cette région, qui témoigne après l'écoute justement de ce petit morceau d'enregistrement qu'on a entendu tout à l'heure, et qui va nous dire ce qu'il en pense. J'ai vraiment été impressionné par le bruit de la ville, en fait, ce que j'appelle le bruit de fond, là, l'énorme bruit qui est, pour moi, est quelque chose que je ne perçois pas dans cette dimension-là. Dans le premier, on perçoit bien les véhicules qui passent, qu'ils ont une force que j'ai jamais entendue, et y compris le train, qui est vraiment bon, à la limite du supportable, surtout dans le klaxon. Ça rythme mon quotidien. C'est quelque chose que je perçois, mais en fond, qui est plutôt quelque chose qui me gêne. Le train, en tout cas, qui me gêne quand c'est pas là, quoi. Quand le train est en panne, je m'en rends compte, quand il marche, j'y fais pas attention. En gros, c'est à peu près ça. Donc voilà, ça c'est la réaction inverse, c'est-à-dire le bruit peut aussi rythmer la vie des habitants. On sait que parfois, quand la cloche de l'église du village ne fonctionne pas, ça peut perturber la population qui habite là depuis très longtemps. Donc il y a aussi une action vraiment positive sur la façon dont les gens ressentent le bruit, Cécile Regnault. Oui, tout à fait. On dit que le bruit est un donneur de temps. Parce qu'en fait, le bruit, c'est du temps qualifié. Avec le train, en plus, qui passe à heure fixe, par exemple. Oui, puisqu'en fait, c'est un tout petit train, hein, le train de l'Épine, qui est très caractéristique de cette partie de territoire. En fait, tout le monde le reconnaît. Enfin, les gens qui habitent, voire même les touristes de passage, reconnaissent ce petit train. Et précisément, l'habitant que vous avez entendu, il habite vraiment sur le site. Alors, lui, il réagit aussi à l'enregistrement sonore, quelque part, parce qu'il ne réagit pas forcément à son environnement tel qu'il le vit, et de manière pas forcément toujours consciente, en fait. Il le découvre un peu. Alors que là, quand on est dans une écoute, on est effectivement dans une espèce de... comme si on regardait un tableau, eh bien, il regarde le paysage dans lequel il vit et il nous le commente. Ça fait partie vraiment de la démarche des observatoires. L'idée n'étant pas d'aller capter des sons au hasard, mais bien au contraire de chercher des relations entre les vécus. Et donc, on fait appel à ce qu'on appelle, nous, les ambassadeurs du son sur les territoires, et Christian en fait partie. Théa Manola, c'est exactement un peu le sujet de votre travail, ça, la façon dont on perçoit, dont on vit avec le son. Tout à fait. Alors moi, je m'intéresse plus dans l'immersion du quotidien. Même, je trouve ça très intéressant, justement, d'extraire les gens momentanément de leur vie de tous les jours, et de leur donner justement à l'entendre comme on peut donner à voir dans une photo ou autre chose, parce que justement ça met des réactions qui sont assez étonnantes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment comment tous les jours, comment ça se vit au quotidien, de manière immergée, parce que du coup on est en permanence immergé dedans, et comment il est, j'ai envie de dire, géré, parce que c'est pas seulement une histoire de vécu, il y a des adaptations face au son, il y a des changements de comportement, il y a des changements de trajectoire, de manière positive ou négative, hein. Enfin, encore une fois, c'est pas toujours pour dire je m'adapte parce que ça ne va pas. Je peux m'adapter aussi parce que je trouve ça bien et du coup je veux l'entendre plus ou l'écouter plus. Voilà, c'est vraiment ça qu'on va regarder. Alors Fanny Mietlicki, il y a aussi ce qui se développe aujourd'hui, la notion de zone calme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Et est-ce qu'on est justement entre un silence excessif et un bruit qui rend malade? Oui, alors ce qui est sûr, c'est qu'en ville, malheureusement, on a peu d'espace où on peut avoir accès à des sonorités agréables. On est vraiment très souvent avec ce bruit permanent qui vient masquer toutes les sonorités agréables. Donc c'est vrai que les gens ont tendance à s'extraire, à essayer de s'extraire en fait de l'écoute en mettant des casques, leurs écouteurs. Ils essaient en fait de fermer leurs oreilles et ils sont pas du tout dans une écoute active comme on peut avoir le cas avec lorsqu'on passe en effet des échantillons sonores à des personnes qui viennent écouter dans la ville. Quand on marche dans la ville, la plupart des gens essayent de fuir en fait cet environnement sonore en se mettant des casques, des écouteurs qui créent d'autres problèmes d'ailleurs, à la fois de sécurité auditive et puis aussi de sécurité tout court, parce que traverser une rue avec son écouteur, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Et donc il est très important que les collectivités se mobilisent pour essayer de redonner des espaces, des oasis un peu dans la ville où les gens peuvent redécouvrir quand même que le son, bah, c'est la vie. C'est le son, c'est aussi très important. C'est une richesse et c'est pas seulement que du bruit, malheureusement, même si c'est ça qui domine dans nos villes à l'heure actuelle, mais qu'ils puissent découvrir aussi la richesse des sonorités et avoir des espaces, comme le disait Christian, où ils puissent discuter, échanger, recréer du lien social. Parce que c'est ce phénomène qui s'amplifie, où les gens s'isolent à travers les écouteurs, c'est aussi une rupture de lien social. Oui, Christian Hugonnet, c'est effectivement d'ailleurs un autre thème de la semaine du son, la santé auditive, et là on fait le lien entre les deux, c'est-à-dire que le bruit ambiant peut amener à une utilisation excessive du casque à des niveaux sonores trop élevés. Oui, certes, mais certainement. Mais je voulais simplement faire, si vous me permettez, une petite intervention sur une chose qui me paraît essentielle, c'est que le sonore crée l'image. Et de ce qu'on a entendu jusqu'à présent, là, cet enregistrement fait qu'on a tous vu des images. Et si le son est de qualité, l'image est de qualité. Et je crois que c'est important de le dire. Donc nous ne sommes pas, nous, de l'environnement sonore, opposés à l'image. Au contraire, nous aimons les images. Et donc l'image ne peut être que belle lorsque, précisément, le son est à sa place. Allez vous promener aux Tuileries, par exemple. Tuileries, qui est placée entre la rue de Rivoli et les voies sur berge. On est dans un brouhaha total. Et qu'est-ce que l'on perçoit des Tuileries à ce moment-là? Eh bien, je pense que les Tuileries sont un lieu magnifique, mais je crois qu'il est pollué visuellement, je dis bien, par un sonore qui n'est pas au rendez-vous, vous voyez? Et je pense qu'il y a là un vrai problème. C'est comme une voix. La voix d'une personne, eh bien, c'est la personne. On ne se rend pas compte qu'une personne est qualifiée par sa voix, généralement par sa voix. Eh bien, comme le disait très justement tout à l'heure Cécile de Regnault, je veux dire, un lieu, il est qualifié par son environnement sonore. C'est-à-dire, la beauté du lieu, visuellement parlant, est qualifiée par sa beauté sonore. Alors pour revenir à la... Oui, Théa Manola. Non, juste pour aller dans ce même sens, l'image, le son sont certainement indissociables. J'irai encore plus loin, en fait. Tous nos rapports sensibles à l'environnement sont indissociables. Le son va créer de l'image, l'odeur va créer de l'image. Je parlais tout à l'heure de l'odeur du métro parisien, mais on peut imaginer autre chose, chacun avec nos souvenirs et notre vécu. Mais je pense que c'est très important de le souligner. Le son est une porte d'entrée dans l'environnement de manière beaucoup plus large et de manière beaucoup plus multisensorielle au final. Oui, c'est d'ailleurs tout l'intérêt, je pense, de la réflexion en cours sur les zones calmes. C'est que ça va, cette réflexion, à l'heure actuelle, associe pour les collectivités, à la fois, évidemment, la dimension sonore, mais également la recherche de l'amélioration de la qualité de l'air, parce qu'on sait que lorsqu'on a du végétal, ça permet de lutter contre le réchauffement climatique, de lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbains. Donc, ça apporte aussi du bien-être au sens lutte contre la pollution. Donc il y a vraiment, et puis ça ramène aussi de la biodiversité, donc voilà, les zones calmes, c'est un moyen, même si c'est pas forcément que le vert en ville, mais c'est quand même un moyen aussi de travailler de manière transversale sur beaucoup de politiques environnementales et d'avoir un effet gagnant-gagnant finalement sur tous ces aspects-là. Mais est-ce que ça existe ? Alors ça commence. Il commence à y avoir des villes qui se mobilisent sur le sujet, parce qu'on parle des zones calmes en ville, hein, là essentiellement, parce qu'évidemment il y a aussi les zones calmes dans les grands espaces en campagne ou qui existent heureusement, oui, bien sûr, et qui sont surtout protégés. Mais en ville, c'est vrai que c'est plus difficile. Alors il y a des zones qu'on peut essayer de répertorier et de préserver d'une évolution négative en termes sur le sonore, des zones qu'on peut valoriser aussi en limitant par exemple la circulation le week-end. Par exemple, on a l'exemple sur Paris des bois de Vincennes, des bois de Boulogne, où il y a des grandes artères qui sont quand même fermées le dimanche pour permettre aux gens de profiter un peu de ces bois. Et on essaye, et des collectivités commencent à se mobiliser pour réhabiliter certains parcs aussi, en aménageant, en mettant par exemple des fontaines aux endroits pour masquer le bruit de la circulation, donc pour réintroduire d'autres sonorités qui vont venir masquer la circulation routière et introduire des choses qui sont beaucoup plus connotées positivement par les habitants et par les usagers du parc, ou faire des jeux d'enfants sur les endroits les plus bruyants, parce que bon, bah là on peut tolérer que les enfants s'expriment voilà. Donc il y a quand même, on peut arriver à faire des choses avec l'existant, et puis il y a aussi tout ce qui s'ouvre dans les programmes de réaménagement, les écoquartiers, la réhabilitation, où là il y a quand même un grand champ de possibles pour créer des espaces de calme. Alors, est-ce que les architectes sont associés à ces réflexions? Et peut-être, est-ce qu'on peut donner des exemples quand même de zones moins agressées par le son que ne le sont les jardins des Tuileries, qui sont effectivement un bon exemple de ce qui est un peu le pire qu'on peut imaginer en termes d'impact aussi sur le visuel, comme le disait Christian Rigonnet? Il est vrai que on a plein d'endroits, en fait, je pense, où il est possible de repenser une qualité à partir de cette question de la notion de zone calme. Et moi, je parle plutôt de lieu calme. Lieu calme parce qu'en fait, alors les exemples, ils sont nombreux, je vais les citer. Donc, par exemple, effectivement, les grands ensembles. Les grands ensembles, on les décrit, enfin, ils sont fort décriés souvent, mais ce sont des lieux extrêmement plantés en général, assez ouverts, et donc du coup, qui qui offrent ces qualités dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des horizons et des sons de proximité. Quand ils sont bien repensés en termes de justement de lieux de sociabilité riches, avec peut-être justement des sonorités qu'on va pouvoir, en tant qu'architecte, travailler dans la proximité des allées, dans le travail autour des effectivement des aires de jeux d'enfants, etc. Tout cela en fait participe dans ces zones. Alors plutôt effectivement pas vraiment, ce sont encore des zones de la ville, mais qui, alors je peux vous citer le cas très concret de Vaux-en-Velin où l'école d'architecture est installée, et nous avons travaillé avec les étudiants cette année au Mas du Taureau sur justement la requalification de d'espaces publics qui sont amenés à se transformer puisqu'il y a des démolitions, etc. Et là c'est l'occasion effectivement de penser autrement peut-être. Ce qui est intéressant avec les zones calmes, c'est qu'on on change de paradigme en fait, finalement, quand on raisonne comme cela. On n'est plus dans la protection, dans la lutte contre le bruit, mais on est bien au contraire dans l'idée que les sons de la vie, que ce soit le fait de prendre sa voiture le matin, mais aussi de marcher dans la ville, de prendre son vélo, etc., font partie. Et c'est tout cela qu'on doit, avec ce avec quoi l'architecte doit composer au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a peut-être un exemple qu'on peut citer, vous allez me dire s'il a un sens ou s'il a un rapport avec ce dont on est en train de parler, mais quand on est près du Palais Royal et que l'on entre dans le Palais Royal, on a une différence de son, de bruit environnant, qui est spectaculaire, alors qu'on reste vraiment au centre de Paris. Christian Hugonnet, c'est peut-être une image que l'on peut avoir de ce qu'est une zone calme à l'intérieur d'un univers urbain. Oui, alors là, bien sûr, parce que précisément, on va disposer d'une barrière acoustique qui est le bâtiment en tant que tel, qui va nous préserver de la ville, tout simplement. Donc, on va se retrouver dans un espace semi-ouvert qui va être une espèce de refuge, finalement. Alors, curieusement, évidemment, bien évidemment, quand on rentre dans cet univers, on s'y sent bien, forcément. C'est un refuge sonore et, du coup, refuge visuel aussi, dans la mesure où on va pouvoir discuter, enfin retrouver la parole normale et retrouver les conversations à un niveau normal, je dirais. Fanny Mietlicki, est-ce qu'il y a d'autres lieux dans Paris ou dans d'autres villes qu'on peut identifier pour donner à nos auditeurs des endroits où pouvoir aller se ressourcer un petit peu, se reposer et pouvoir discuter plus facilement à l'intérieur de la ville? À Paris, il y a surtout un cycle, je dirais. C'est vrai que quand on se promène le dimanche dans Paris, notamment le dimanche matin, c'est exceptionnel par rapport au reste de la semaine. Donc je pense qu'il y a aussi cette dimension à valoriser. C'est peut-être redonner du sens aussi aux endroits le week-end par rapport à la semaine où les gens vont travailler, sont dans le métro, cherchent pas à faire attention à ouvrir leurs oreilles, forcément. Par contre, le week-end, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, je pense qu'il y a aussi cette approche-là. Donc, vous du coup, attendez le week-end pour non, pas forcément, discuter. Pas forcément, mais il y a des quartiers qui sont pas forcément des espaces verts et qui peuvent prendre une dimension très intéressante. Il suffit d'aller autour de Notre-Dame le week-end, c'est quand même très très plaisant, même si en semaine c'est un enfer avec les quais, les sirènes, etc. Théa Manola. Juste rapidement, moi je dirais que les auditeurs savent mieux que nous. Parce que nous, on pourrait sortir des lieux comme ça, mais c'est les lieux qui sont pour nous calmes, qui nous parlent. Je suis sûre que chacun d'entre nous, dans son quotidien, dans son espace quotidien, on a des zones calmes comme ça. Première chose. Et deuxième chose, moi, les zones calmes, c'est une situation exceptionnelle qui peut en effet nous aider à changer de paradigme, et c'est une grande chance, je trouve, aujourd'hui. Par contre, il faut être vigilant. Il faut être vigilant aussi sur la question des inégalités que cela peut amener. Le Palais Royal, certes, mais le Palais Royal, il est accessible sur le papier, mais il n'est pas accessible pour tout le monde. France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonti. Nous débattons aujourd'hui la question « Quelle place accorder au sonore dans la protection de notre environnement ?» avec nos invités Théa Manola, enseignante à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble et chercheur au laboratoire Cresson, Fanny Mietlicki, qui est directrice de Bruit Parif, Christian Hugonnet, président fondateur de l'association La Semaine du Son, et Cécile Regnault, architecte, conceptrice d'environnement sonore, chercheur à Lyon Architecture, Urbanisme, Recherche, laboratoire LORE, à l'École d'architecture de Lyon. Justement, Cécile Regnault, comment imaginer un avenir, se projeter un petit peu? Alors, une des projections qu'on a envie de faire, c'est de se dire, si c'est le trafic routier qui est le principal responsable des nuisances sonores, il y a une solution qui apparaît quand même, et qui n'est pas celle à laquelle vous pensez, c'est-à-dire d'interdire les voitures dans le centre-ville, mais qui est de développer les voitures électriques. Car finalement, on est dans la période où le moteur à explosion est omniprésent sur la voie publique, mais ça n'est pas une fatalité et quelque chose qui est inscrit pour l'éternité, Fanny Mietlicki. Ouais, c'est sûr qu'en ville, développer les véhicules électriques, les scooters électriques aussi, est une bonne chose. Après, ça n'enlève pas toutes les problématiques, parce qu'il y a quand même le bruit de roulement, même s'il est plus faible à faible vitesse, qui subsiste. Il y a aussi toute la problématique, alors là... Personnellement, j'ai pas beaucoup d'opinion là-dessus, mais de savoir si c'est bien de rajouter des sonorités aux véhicules pour prévenir les piétons, il y a tout un débat qui va émerger sur cette question-là, parce que si les véhicules électriques sont amenés à se développer, voilà, pour des questions de sécurité. De sécurité, voilà, ils vont avoir des petites sonorités. Alors je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Enfin, on voilà, peut espérer donc qu'elle soit pas aussi voilà, désagréable. Voilà, on peut espérer, on espère que ça explosion. Soit pas aussi désagréable. Donc c'est vrai que oui, travailler sur les véhicules, c'est bien. On peut aussi apaiser la ville en réduisant les vitesses, hein, puisque on sait que quand on passe de 50 à 30 km/h, déjà on gagne un certain nombre de décibels et on apaise et on évite les à-coups. Et puis bon, on gagne évidemment aussi pour la sécurité et le partage de la voirie entre tous les modes. Voilà, il y a aussi des choses à faire sur les revêtements de chaussées, les revêtements acoustiques qui absorbent le bruit de roulement et puis absorbent aussi une partie du bruit de moteur. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles les villes et les gestionnaires de voiries travaillent. Christian Hugonnet voulait intervenir. Oui, je pensais à Venise, hein, qui est une ville assez extraordinaire. On rentre de Venise toujours avec beaucoup, beaucoup de plaisir et on se dit qu'est-ce que c'est beau Venise. Et je pense que personne, peut-être, n'est aussi conscient que cela, que Venise, c'est aussi une ville d'une grande tranquillité sonore, et où chacune des ruelles, en fait, dispose et présente, en tout cas, des acoustiques différentes. On va se repérer, on va se reconnaître, on va savoir, on va retrouver, en fait, la forme, en tout cas, une ruelle, tout simplement parce qu'elle aurait une sonorité bien différente d'une autre. Tout cela fait partie de ce que j'appelle, moi, les micro-bruits. Je parlais tout à l'heure des micro-silences. Maintenant, j'ai envie de parler des micro-bruits. Et ces micro-bruits, eh bien, ce sont des petits bruits qui sont pas si importants que cela en niveau, c'est quoi, 40, 50 décibels, c'est le bruit d'une personne qui marche, vous voyez ce que je veux dire? Une personne qui marche dans la rue, ben écoutez, je crois que c'est 24 signifiants, hein. Avec une personne qui marche dans la rue, on a à peu près 24 signifiants sur la personne, son sexe, son état d'âme, sa velléité, la direction, la qualité de la chaussure, de la semelle, du trottoir, des lieux, ouais. On peut dire plein de choses sur, en fait, une merde. Eh bien, on a l'impression, dans ce Paris que nous connaissons tous les jours, que les gens volent, parce que on voit qu'ils volent parce qu'on les entend plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a une espèce d'absence de ces micro-bruits qui nous donnent du signifiant. Cécile Regnault. Il y a plein d'exemples, en fait, je pense que... Mais en écoutant Christian Hugonnet, je me dis qu'il y a finalement... Il faudrait peut-être justement dire très franchement que c'est une volonté politique quelque part derrière. Oui. Enfin, moi, je vais prendre l'exemple de Strasbourg. Il y a quelques années, Catherine Trottmann, donc maire de la ville de Strasbourg, décide effectivement de limiter l'accès des voitures au centre de Strasbourg. Ça a totalement modifié la manière d'appréhender et de justement d'entendre tous les micro-bruits dont parle Christian Hugonnet. Enfin, ça a été c'était un changement radical. Et tout le monde a pris son vélo, en fait. C'est aussi simple que ça. Enfin, c'est passé dans les centres-villes. Donc, c'est l'architecte, là, pour le coup, il peut pas grand-chose, parce que mais le politique peut beaucoup. Et je pense que là, il y a des exemples dans d'autres villes européennes, si on pense aux villes du nord de l'Europe, qui sont déjà bien plus avancées que nous là, sur ces sujets. Théa Manola. Juste un exemple complémentaire. Grenoble va passer bientôt à 30 km à l'heure sur toute la partie centrale de la ville. Donc oui, c'est une volonté politique. C'est venu avec un changement de municipalité et c'est une volonté forte, discutée certes, mais une volonté politique avant toute chose. Alors on peut aussi agir sur les sons, les créer ou les faire se créer en utilisant un lieu, et c'est un des travaux que vous avez mené, Cécile Regnault, avec ce que vous appelez le caillebotis. Caillebotis sonore. Sonore. Donc on va écouter ce que ça donne à l'instant. En même temps qu'on écoute, vous pouvez peut-être nous expliquer comment ça marche. C'est comme une sorte de grand xylophone, en fait, mais à l'échelle d'un parc. Donc, moi, j'appelle ça la lutherie. Enfin, c'est une forme de lutherie urbaine. Et là, en l'occurrence, il s'agissait de travailler le sol dans un parcours. Et l'idée étant de valoriser justement des micro-bruits comme le pas, à travers le fait que quand on se déplace sur ce cheminement en bois, il y en a beaucoup dans nos villes, des cheminements en bois, mais en général, ils sonnent pas beaucoup parce qu'on visse très très fort les planches. Et du coup, là, l'idée était de justement amener une dimension, on va dire, esthétique, finalement, à ce cheminement, à travers le fait qu'on puisse faire résonner le bois. Donc c'est une attention aussi aux matériaux, en fait. C'est ce petit caillebotis, c'est une histoire autour du bois qui sonne. C'est une petite histoire qu'on peut tous se raconter quand on passe le chemin dans ce parc qui est situé à Lyon. Oui, alors on continue à l'entendre. Et c'est donc pas des bruits qui sont produits artificiellement, c'est des bruits naturels, des pas sur sur cette matière qu'est le bois. Tout à fait. L'idée, c'est que l'architecte, effectivement, il est là pour proposer à ce que l'habitant, enfin, là, il y a beaucoup d'enfants, parce qu'on est aussi dans une crèche, puisse s'emparer, finalement, de cette matière, en fait, qu'est le sol de la ville, pour en faire quelque chose. Alors, il y a un côté ludique, mais le ludique fait partie aussi de justement la création des ambiances, et je pense qu'il est c'était aussi une dimension didactique là, puisqu'on a des enfants qui sont amenés à mieux écouter et s'écouter entre eux. Ce qui est important, c'est de s'écouter, enfin pouvoir s'écouter soi-même, mais aussi écouter les autres. Et c'est ça aussi peut-être la notion de zone calme, c'est le respect, c'est le respect de qu'on puisse justement vivre ensemble dans un environnement, alors où tout le monde produit des sons, on est tous producteurs de notre propre bande son du quotidien, mais avec à plusieurs. Donc il faut s'entendre. C'est comme un petit orchestre, en fait. Théa Manola, la production de son est peut-être justement une autre façon d'appréhender cette question, pas simplement en la subissant, mais en devenant acteur. Nous sommes tous acteurs. Mais plus consciemment, je veux dire, plus volontairement. Alors, que par simplement le résultat d'une activité, c'est-à-dire de prendre sa voiture ou de rouler en scooter ou... Bien sûr, mais c'était pas à ça que je pensais exactement. Nous sommes tous acteurs parce que par le fait même d'écouter un son, ce son-là prend de l'existence. Donc nous sommes tous acteurs de cet environnement parce qu'on prend notre voiture, mais aussi parce qu'on est là et parce qu'on écoute, parce qu'on est là à plusieurs, etc. Après, produire des sons, oui, et je vais... vraiment aller dans le sens de ce qui a été dit avant, une bonne architecture, si tant est que, enfin, la bonne, on va le mettre entre guillemets, c'est une qui se laisse approprier, une qui laisse la possibilité de faire des choses, de devenir acteur. Très bien. Christian Hugonnet, ça fait partie donc des points de la charte de la semaine du son, qui, donc, je rappelle, a été présenté en début de semaine. Est-ce que quelle est la perspective que ça offre, cette charte va-t-elle avoir un impact sur par exemple notre environnement sonore à Paris ou dans des grandes villes? Comment pourrait-elle en avoir un impact? À partir du moment, j'espère bien en tout cas qu'elle aura un retentissement important, à partir du moment où cette charte est déposée officiellement et discutée au sein de l'UNESCO, est amendée par 195 délégations, on peut supposer que cela devra avoir un certain poids. Donc ça a un poids, au niveau national, mais ça aura peut-être aussi un poids au niveau international. Car les problèmes que dont nous parlons ici sont aussi des problèmes qui sont aussi communs à d'autres pays. J'imagine que, comme vous l'imaginez, Mexico n'est pas une ville très calme et que, bien évidemment, aussi au Venezuela, il y a aussi quelques villes extrêmement bruyantes. Donc, et Tokyo reste une ville intéressante. On pourrait citer Tokyo comme une ville intéressante où ils ont justement mis de l'asphalte, une asphalte absorbante, justement, dans toutes les rues et qui fait que, curieusement, quand on est dans la rue, on a une impression de calme relatif. Mais cette charte, elle est faite pour être discutée, présentée et amendée. Et j'ose espérer en tout cas que nos ministères vont pouvoir s'en informer. Nous l'espérons tous et le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Théa Manola, Fanny Mietlicki, Christian Hugonnet et Cécile Regnault d'y avoir participé. Sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez trouver un lien avec le programme de la Semaine du Son qui se prolonge jusqu'à dimanche à Paris, n'est-ce pas Christian Hugonnet, en proposant encore chaque jour des rendez-vous. Avec une journée à Radio France, qui est en grand final, donc dimanche 24 février, donc 10h à 17h, et ça se passera donc au 105 de Maison de la Radio, sur le thème de l'écoute musicale en voiture. Il fallait qu'on s'y penche, ce problème-là aussi. Absolument. Et sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an et bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. La semaine prochaine, vendredi 29 janvier, Sciences Publiques participera à la journée consacrée par France Culture au numérique à l'occasion du lancement de son nouveau site internet. Nous nous intéresserons aux objets connectés, en particulier sous l'angle de l'amélioration de la santé que certains nous promettent. Le numérique permet en effet d'enregistrer une multitude de données concernant notre activité physique et des informations sur notre santé, mais aussi de contrôler la qualité et le suivi des prescriptions médicales. Quel impact peut avoir cette surveillance permanente sur notre corps et notre esprit? Nous en débattrons avec nos invités, parmi lesquels Dimitri Carbonel et Alexis Normand. Sciences Publiques, Dany Journaud, Jean Frédéric, Marie Dalquier, Michel Alberganti. Nous vous laissons en compagnie des Bonnes Feuilles. Merci à tous, excellent après-midi sur France Culture.